Chapitre 9e. Et vous, fit Rose en se tournant tout d'une pièce vers André, vous ne vous en allez pas. Vous n'avez pas quelque ami, sœur ou femme, prise de mal, pour aller la secourir. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous ne sentez donc pas que vous êtes en lieu pestiféré? Allez donc, mais allez-vous-en, qu'attendez-vous? Il ne répondait pas. Il la regardait avec des yeux pleins de prières et de reproches. Elle croisa les bras sur sa poitrine et se mit à marcher lentement dans le salon. Il écarta les chaises éparses qui auraient pu gêner ses mouvements et se retira un peu de côté. Elle n'y prit point garde. « Oui, » dit-elle, parlant d'abord de phrases brèves et entrecoupées. Puis, s'animant de plus en plus jusqu'à une véritable éloquence, « Oui, on vient chez moi, pour perdre son temps, pour s'amuser. Ce n'est pas gai tous les jours, une ville de province. On trouve une actrice, on va chez elle se désennuyer, on se cache pour y aller. » Si nos femmes le savaient, si la bonne société le savait. Une actrice, qu'est-ce que cela? Rien du tout, autant dire. C'est bon pour s'amuser, rien de plus. Et que madame se trouve mal, ou que bébé pleure, on s'en va, sans même une politesse, sans un mot d'excuse. La famille, c'est cela, la famille. Nous ne sommes pas de la famille, nous autres. Nous ne pouvons pas avoir de sentiments comme tout le monde. Nous sommes des espèces de chiens savants. On nous nourrit avec des fleurs et des madrigaux. Voilà toute la différence. Et qu'est-ce qu'ils en savent, ceux qui nous traitent ainsi? Ont-ils essayé de savoir si nous avions de vrais sentiments dans le cœur, ou seulement des bouts de rôle? Qu'est-ce qui leur a donné le droit de nous mépriser? Qu'est-ce qui leur a donné le droit de me mépriser, moi? Elle s'était arrêtée devant André et le regardait avec des yeux flamboyants. Ce n'était pas un rôle qu'elle jouait. Tous les sentiments pervers et dangereux de son âme luisaient dans ses yeux magnifiques. « Rose, » dit André avec un geste suppliant. Elle le repoussa sans qu'il l'eût touché. « Qui sait ? » continua-t-elle en recommençant à marcher comme une panthère dans sa cage. « Qui sait, si moi aussi je ne serais pas une excellente épouse, une mère de famille admirable, m'a-t-on mise à l'épreuve ? Avant de me refuser toutes les vertus, s'est-on donné la peine de savoir si je ne les ai pas toutes ? Eh mais, j'ai appris à faire du crochet et à tricoter des bas comme elle, mieux qu'elle. J'ai passé mes examens, je sais l'orthographe et la géographie mieux qu'elle, j'en suis sûr. » Elle rit d'un rire amer. Parce que je joue la comédie devant le monde pour de l'argent. Les mères de famille ramassent l'euro pour ne pas effleurer la mienne quand je passe, et disent à leurs demoiselles de regarder les boutiques de l'autre côté. Je joue la comédie en public, c'est vrai. Elle la joue peut-être en particulier. Qu'en sait-on? Au moins moi, je ne trompe personne. Le rideau baissé, je ne mens plus. Sa voix se brisait. Juste André, muet, le cœur plein d'une indicible pitié, l'écoutait sans oser l'interrompre. Elle ne paraissait pas seulement le voir. De temps en temps, les plis de la robe touchaient le jeune homme. Elle ne s'en apercevait pas. J'ai une âme, pourtant, une âme hautaine, qui n'accepte pas de compromis. Et j'ai un cœur tendre. Qui sait combien il peut aimer? L'a-t-on demandé? Traitée comme les autres, douce, bonne, indulgente, j'aurais tant aimé à aimer, au lieu de haïr. Ah, la vie est cruelle. Elle s'arrêta, brisée, les bras pendants, la tête baissée dans un inexprimable découragement. « Rose, » dit juste André, « je vous adore. » Il avait parlé très bas. Elle entendit pourtant, et releva la tête avec un geste de colère. « Je ne veux pas qu'on m'adore, je veux qu'on m'aime. »« Je vous aime, » dit le jeune homme, sur le même ton d'ardente prière. « Ce n'est pas vrai, » répliqua-t-elle en s'écartant avec un geste indigné. Elle alla s'asseoir loin de lui, sur la chaise longue. Il resta à sa place. « Je vous aime depuis bien longtemps, » dit-il de sa voix veloutée, sans essayer d'en amortir ou d'en exagérer le son. Que lui importait qu'on l'entendît? Libre, il ne dépendait que de lui-même et n'avait rien à cacher à personne. Rose le regarda avec une certaine attention. Elle avait depuis longtemps prévu cette parole, mais l'état nerveux dans lequel elle se trouvait ce soir la disposait autrement qu'elle n'avait pensé jadis. Elle se sentait prise au dépourvu en face d'elle-même, et c'est André qui avait l'avantage. Avec un effort, elle se reconquit. « Vous m'aimez, » dit-elle, toujours avec le même accent d'amertume, « parce que Rose Rosier vous semble assez intéressante pour vous occuper quelque temps. Laissons là ces reproches immérités, » dit-il en venant s'asseoir auprès d'elle. « Ne choisissez pas le moment où je prononce la parole la plus grave qui soit encore sortie de ma bouche, pour me faire une querelle inutile. Je vous dis que je vous aime. Je ne l'ai encore jamais dit à une femme. » Parce que je trouvais ce mot trop sacré pour le profaner. Je vous aime, peu importe comment. Nous en parlerons après. Ce qu'il y a de sûr, c'est que je vous aime. » Il parlait avec tant d'autorité qu'elle se sentit vaincue. Jusqu'à ce jour, on ne lui avait jamais dit qu'elle était aimée sur le ton du commandement. Elle regarda André et vit que la coquetterie serait inutile. « Comment se fait-il que vous m'aimiez ? » dit-elle d'un ton presque découragé. Juste se leva et fit quelques pas dans le petit salon. Il s'approcha de la fenêtre et regarda au dehors le jardin vaguement éclairé, assoupi dans cette tiède nuit de juin. « Je n'en sais rien, » fit-il en se retournant vers elle sans quitter la fenêtre. Elle le regardait d'un air inquiet, presque effrayé, car elle sentait que devant elle c'était un maître, non, un amant vulgaire, qui se tenait plus calme qu'elle-même. « Je n'en sais rien, » reprit-il après un silence que Rose avait trouvé terriblement long. « Je vous aime parce que je devais vous aimer, je crois. Peut-être parce que je vous ai cru morte, morte d'une mort affreuse. On s'attache beaucoup à ceux qu'on a failli perdre. Et puis, j'aime vos qualités admirables, votre intelligence, ces riches dons que le vulgaire méconnaît, et dont les médecins ne me tiennent pas compte, » fit-elle avec un rire moqueur. « Vous êtes mauvaise ce soir, » dit-il en se rapprochant. « Je ne veux pas vous dire ce que j'ai dans le cœur en un moment où vous... »« N'êtes pas digne de l'entendre ?» conclut la comédienne avec un nouvel éclat de rire. « Allez, mon cher, vous êtes tous les mêmes, vous autres hommes. Vous nous dites, d'un air pompeux et tendre, si vous êtes bien sage, je vous aimerai. Encore faut-il remercier ceux-là de n'être pas grossiers. C'est la catégorie des maîtres d'école. Maître pour maître, mon cher, j'ai mieux tout autre qu'un pédagogue. Mais c'est la vanité qui vous gouverne. Vous croyez nous faire trop d'honneur en nous aimant. Où avez-vous appris tout cela ? » dit juste, d'un air à la fois chagrin et mécontent. Elle se tourna vers lui, les yeux luisants, les lèvres amincies par la colère, et lui jeta ce mot comme un outrage à la scène. Juste se leva et se tint debout devant elle, qui détournait la tête. « Écoutez-moi, dit-il, je vous aime. Ce n'est pas une querelle qui m'empêchera de vous aimer. Ne parlez pas ainsi. Ne vous faites pas plus méchante que vous ne l'êtes. « Demain, je reviendrai. Demain soir, nous causerons amicalement, tous deux, à tête reposée. »« Ce soir, je suis trop méchante, » approuva Rose avec un geste de soumission ironique. « Précisément, » fit Juste, sans se troubler. « Trouvez-vous que ce ne soit rien dans votre vie qu'un honnête homme vous ait dit honnêtement qu'il vous aime ? Il me paraît à moi que ce fait a quelque importance pour vous. À coup sûr, pour moi, c'est une question vitale, et je ne me suis point risqué à l'aborder sans avoir réfléchi. Prenez donc la peine de m'écouter aussi avec quelque attention. À demain. À demain, répondit-elle d'un ton négligent. Il lui tendit la main. Elle y mit la sienne en détournant la tête, comme une enfant qui boude. Il baisa lentement, à deux reprises, cette main inerte, et la laissa retomber, puis il sortit. À peine la porte était-elle refermée sur lui que la vieille Florence accourut. Eh bien, ma fille, voilà un beau monsieur et un gentil garçon qui parle bien. « Il t'épousera, bien sûr, si tu le veux. »« Bah !» fit Rose en haussant les épaules. « Un maître. Je ne veux pas de maître. »